C'est Daniel, bravo pour ce que tu es, pour ce que tu représentes. Faire avec moi, avec Daniel Gilbert aussi, ça marche. Avec Daniel Gilbert, avec Jean-François Gilbert. Hein. Non, mais c'est François Gilbert qui est beaucoup moins connu puisqu'il tient le Parkmet de la rue de la Pompe juste derrière, mais ça n'a aucun rapport. Donc ce que je voulais dire, c'est que Daniel est magnifique parce que Daniel a sorti une phrase que j'aime beaucoup pendant l'émission. Est-ce qu'on peut l'écouter? Voilà. Calmez-vous, quoi. Voilà. Donc bon, c'était un petit peu plus long que ça. C'est quand même le seul mec qui s'est énervé de toute l'émission et qui dit calmez-vous. Ça fait penser à ces flics américains qui disent you calm down right now, you down your knees right now, you calm down. T'as juste dit bah, excusez-moi, j'ai juste grillé un feu, mais c'est pas grave. You calm down, ok. Voilà. Ça c'est Daniel Riolo. C'est le mec qui a dit calme-toi, des gens qui parlaient normalement. Donc, mais bravo, hein, pourquoi pas. Vous avez parlé de l'Olympique de Marseille, un club de pauvres, il paraît, ces dernières, j'ai adoré, hein, c'était très drôle. Ils ont plus une thune, et ben, je me suis rendu compte, c'est vrai qu'à tel point que la dernière fois, je me suis rendu compte que c'est Abdallah qui a été remplacé par Abdallah, ou Abdullah, enfin, un genre de Abdallah, et Ayou qui a été remplacé par Ayou. En fait, j'ai compris, c'est qu'ils ont tellement pas de thunes qu'ils ont un maillot pour deux mecs, ils sont obligés de prendre des mecs qui ont le même nom. C'est-à-dire qu'Abdallah, au départ, il était pas censé jouer, mais comme il y avait déjà un Abdallah, on dit, bah, viens, comme ça, quand il le remplace, il lui file son maillot. Ça pue un peu la sueur, mais au moins, ça fait des économies. On essaie de rappeler Bruno Chéroux. Ben voilà, pour Benoît Chéroux, ben évidemment, tu m'étonnes, quoi. Ça va être compliqué, quoi, du moment qu'il n'y a pas les frères de la montagne. j'espère, plutôt, et les frères d'Amico aussi. Ben, tout est possible. Si vous êtes frère et que vous jouez au foot. À pas confondre avec Valérie d'Amido, qui n'a rien à voir là-dedans. Non, on sait qu'en ce moment, Fernando d'Amico, je sais pas comment il a décoché lui, mais il est largement aussi gros. Ouais, oh, superbe! Il est très bon, hein, c'est ce petit jeune. Jean-François Perret, ça fait combien de temps que t'es là? Les trois émissions, t'es vachement bien. Deux émissions. Deux émissions? Je viens d'arriver. Tu sais que franchement, tu commences à prendre tes marques, ça me plaît. J'espère travailler bientôt pour les chiffres. Il est sympa. Najet, tu vas finir sur Eurosport si t'as vraiment de l'ambition, toi. Non, pitié. Najet qui vient de... Bon, don, alors don. Najet qui vient de se rendre compte que la Ligue 1 c'est pourri. C'est quand même génial. La meuf, elle dit, mais c'est incroyable! J'ai regardé les équipes qui jouent contre l'OM, c'est de la merde. Moi, je pense que cette meuf, elle vit dans Goodbye Lenin. Tu sais, on lui passe des images des années 90. On a peur qu'elle fasse une attaque. Et on lui passe des vieux matchs, tu sais, on l'empêche de zapper sur Bein parce que sinon, elle va vraiment flipper. Donc, non, pas pour les commentateurs, hein, qui sont vraiment formidables. Mais pour les matchs, hein, parce que tu peux mettre Dimeco et Christophe Joss, ça reste quand même des matchs de Ligue 1, hein, faut pas s'enflammer. On s'enflamme plus pour Jeff, il dit on s'enflamme plus, il y a plus de romantique. J'adore. Donc pour toi Jeff, les romantiques c'est les mecs bourrés à la 8-6 en survêt blanc et bleu qui bugle, on vous met le feu en pissant sur les pylônes d'EDF après un but de Ravanelli. Donc toi, ça c'est ta vision du romantisme? Pas du tout, quand j'ai dit ça, je pensais très fort à l'équipe des minots d'Éric Dimeco. D'accord, ouais, l'équipe des minots d'Éric Dimeco qu'on retrouve tous dans le livre Les Amours de Ronsard, pour ceux que ça intéresse, hein, si ils veulent le lire. Il y a Éric Dimeco et Casoni. Et Nantes, alors Nantes, le centre. Ah oui, juste finir avec le centre de formation du FC Nantes. Non, j'ai peut-être autre chose alors, du coup. Parce que vous avez juste fait le procès de François Pinault. Et moi, François Pinon, c'est simple. Moi, j'ai vu tous ces films, hein, La Chèvre, Les Compères, L'Emmerdeur. Et franchement, François Pinon, quand tu le vois dans ces films, t'es quand même pas étonné que son club finisse à la place du con, hein. Enfin, ouais, voilà, quoi. Et juste pour finir, je voulais quand même dire que Eric, il a du respect pour les gens qui mettent de l'argent dans le foot. En ce moment, il a surtout du respect pour Nasser, hein, qui met de l'argent dans les commentateurs de foot. Mais, je vous remercie beaucoup. Je voudrais dire bonjour à mes amis les drôles de dames. Hein, salut. Et rebonjour à toi Gilbert et à toi Docteur Poker qui est avec nous. Donc je voulais d'abord revenir sur un entraîneur qu'on a reçu. T'as besoin d'un soin, tu veux gagner un peu d'oseille? Non, ça ira. Un soin, un peu de blé, tu me dis, je t'arrange ça moi. Non, mais la dernière fois que j'ai fait tapis sur un de tes conseils, je me suis retrouvé en slibard. Non, mais t'inquiète pas qu'avec moi les cartes vont t'aider. Il m'avait dit, attends, je la sens bien la petite blonde au bar là, à mon avis, vas-y quoi. Fais all-in. Deux claques dans la gueule, viré du bar par les vigiles. Ah oui, merci, quoi. Je parle pas du reste. Ouais, non, mais merci. Donc bref. On a reçu un entraîneur formidable, hein, bah, en même temps c'est le seul qui nous répond, les autres veulent pas, donc on fait ce qu'on veut. Il répond pas à tout le monde, Christian Gourcuff. Ah, c'est vrai. Ouais. Avec tout ce que vous lui mettez comme pommade, putain, franchement, s'il répond pas. Donc Christian Gourcuff, qui est un mec, alors souvent on trouve que les entraîneurs, souvent ils voient un pas plus loin que le bout de leur nez, ou alors ils ont une vision un petit peu, ouais, à long terme ou à court terme, en fait c'est pas très clair que lui, il a vraiment la bonne vision. Est-ce qu'on peut écouter sa phrase? Son entraînement qui verra le jour l'année dernière. Voilà. Donc il a un centre d'entraînement qui verra le jour l'année dernière. C'est une espèce de Marty McFly du football. Car quand le mec, quand t'as une vision de ce que tu vas faire l'année dernière. Et qui est son Biff Tannen? Ah bah je sais pas, un de ses défenseurs centraux sûrement, qui est quoi les mangas. Biff Tannen en négatif, hein, évidemment, ou alors qui a fait des UV. Nantes-Guingamp, le match formidable. Putain, il y a encore des mecs qui vont voir ces trucs là. Bref, donc Nantes-Guingamp. Non mais Guingamp c'est sympa parce que ça nous rappelle les bons souvenirs, c'est Der Zakarian et Gourvenec, hein, les deux entraîneurs. Et ça rappelle les bons souvenirs. C'était la belle époque. C'était l'époque où on voyait pas tous les matchs de Ligue 1. Hein. C'était l'époque où on croyait que c'était génial parce qu'on voyait qu'un match par semaine. On imaginait que les autres étaient super. Et maintenant, il y a tellement de chaînes de télé qu'on se rend compte que c'est de la merde. Donc finalement, on regrette cette époque-là. Nantes, c'est le centre de formation et il nous a sorti notre ami, c'est Pierre-Yves Leroux qui est là-bas toujours. Non, c'est David Filippo. D'accord. Ah, on a viré Leroux. D'accord. Non, Leroux est toujours là. Est toujours là, mais il en a marre. Mais il en a marre de ce soir, il faisait de la chicorée. Tu m'étonnes. Le gars le goût. Ah non, c'est le gars le goût, Johnny. Leroux, ça n'a rien à voir. Donc, et il nous a dit que les jeunes sont allés loin en Gambardella. Oui, ce qu'il vous a pas dit, c'est qu'ils sont allés loin parce qu'ils sont allés au premier tour contre le FC Pointe-à-Pitre. Effectivement, c'est loin. Après, ils se sont fait éliminer quand même. Hein, donc, ils sont allés loin. Ouais, voilà, c'est sûr. À Marseille, on a appris que les minots. Alors, il y en a un auditeur qui nous disait les minots du panier. Ça ferait une belle équipe. Ça fait les minots du panier, ça fait pas un gros effectif. À Marseille, les minots du panier à salade, ça commencerait à faire un beau vivier par contre, parce qu'il y a quand au beau match, il y a du monde. La fin du procès Pinot. Et Pinot, déjà, bon, on a envie de lui crier casse-toi, riche con, mais non, on va pas le faire. Parce qu'on veut pas un procès. Et c'est le patron. Il faut quand même oublier que Pinot, c'est le patron du groupe Printemps La Redoute. Enfin, son équipe, lui, Printemps, Hiver, Été, La Redoute, personne. Hein. Il redoute, personne La Redoute, son équipe. C'est ça le problème. Et Nancy, on a appris aussi que Nancy n'a pas les joueurs pour jouer ce style de football, tu sais, par rapport à la synthétique. C'est vrai qu'ils n'ont pas les joueurs pour le style de football à 11 contre 11 avec un ballon. Eux, c'est vrai qu'ils ont plus les joueurs pour jouer le style de football à 15 avec un ballon. On va le voir, pas de ballon. Et à 8 contre un chrono autour d'un terrain. Ça, ils sont vraiment ce style de football-là, il serait pas mal. Et Jeff nous disait, il n'y a pas de folie au Parc des Princes. Là, c'est la Ligue des Champions, ça manque de folie. Je voudrais juste rappeler que le dernier mec qui a fait vibrer le Parc des Princes en Ligue des Champions, c'est Charles-Édouard Coridon sur une espèce de coup du scorpion improbable après une trébuche. Donc faut les excuser les mecs, hein, si tu veux, c'est eux la Coupe d'Europe pour eux, c'est une Madeleine de Proust qui a un vieux goût de pisse, donc on va peut-être les comprendre. Et puis un goût de pisse, une espèce de Madeleine de Proust qui a un goût de pisse. Et il y a un mec qui s'appelle Dorian. C'est intéressant ça. Un mec qui s'appelle Dorian qui est supporter des clubs français en Coupe d'Europe. Vous l'avez pas entendu, lui, c'est quand même génial comme concept. Moi, je lui dis, tu devrais carrément être supporter des clubs français en Ligue 1, comme ça, tu gagnerais le titre tous les ans. Et tu serais jamais déçu, tu vois. Genre, c'est quand même le meilleur concept. Et la Juve de Didier Mingot qui se la raconte parce qu'ils ont gagné, ils ont fait 43 matchs sans défaite. Oui, c'est pas mal. J'aurais juste rappelé qu'il y a mieux puisque Pablo Correa a déjà fait une saison sans défaite. Ah non, pardon, c'est 100 défaites en une saison. Pardon, excusez-moi. C'est presque tout pareil. C'est presque un record. Il a failli battre le record qui était de 130, mais à chaque fois on le vire alors qu'il a la série en cours, le pauvre. Donc c'est pas sa faute. Et puis après, pour finir avant que ça soit à vous, le 9,5, le concept du 9,5, qui est égal le 9 qui est derrière le numéro 9. Mais je vous rappelle que Francis Gillot, au parc contre le PSG avec Bordeaux, il avait inventé le système du 4,5 et du 5,5. C'est-à-dire le stopper qui est derrière le stopper et qui est derrière le dernier stopper. Je crois qu'il y avait même un 1,5 qui était derrière le gardien de but. D'ailleurs, après, on s'étonne qu'il y ait des 0-0. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Merci. C'est rebonjour les filles. Au Real, Fred nous a appris qu'il y avait un problème avec Casillas, entre Casillas et Mourinho. Il dit que ça ne passe pas avec Casillas, ça ne passe pas. Moi, je lui conseillerais de prendre Nicolas Pinto. Tu vas voir si ça passe pas. Là, ça passe partout. Là, ça passe côté gauche, côté droit, ça passe dans l'axe. Tu vois, avec Nicolas Pinto, tu seras tranquille, ça va passer. Juste, il y a un truc qui m'a un petit peu déçu, c'est que vous n'avez pas parlé de l'interview de Zlatan Ibrahimovic dans l'équipe. Qui a quand même mis les choses au point, qui a été. Par rapport vraiment... au Starbucks, elle en a parlé? Non, bah oui, il a pas dit que ça, il avait fait deux pages, il a pas parlé du Starbucks pendant deux pages. Sinon, c'était une pub. Non, il a dit, qu'il était bon parce qu'il avait développé un instinct de tueur grâce à Capello. Tu as vu ça, Daniel, ou pas? Bien sûr. Ça t'a marqué? Mmh. Et il a dit, voilà, pour être un buteur, un grand buteur, faut être un tueur. Et c'est vrai. Mais c'est pas le premier en Ligue 1 à faire ça, parce que je vous rappelle qu'on a eu un tueur à une époque, on avait Brandao, qui avait l'instinct du tueur. Bon, lui, il tuait les mecs en tribune. Donc c'est un autre genre de tueur. Je crois qu'il avait à son actif, il avait en deux ans, il a tué deux South Winners, un MTP et trois Yankees. Donc le mec, ouais, on peut commencer même à parler de tueur en série. Tu vas dire, je peux me dire, j'imagine quoi, les experts de Marignane avec eux, ça va vite quoi. Alors qu'est-ce qui se passe sur le cadavre? Œil hagard, pommette tuméfiée, marque rouge circulaire sur le visage avec striure octogonale après analyse, ballon Adidas, Ligue 1 2010-2011. Bon, c'est signé, c'est Brandao. Donc si tu veux le mec, bon évidemment. Comme tous les serial killers, il a des copycats. Hein. Alors, faut savoir qu'un copycat, c'est le fan du tueur qui reproduit, tu sais, qui reproduit les mêmes crimes que dont il est fan. On avait eu Cheikh Diabaté, Braten et Larsen Touré, même si évidemment, tous ces mecs-là, leur vraie idole, ça reste Bakayoko, considéré comme le Charles Manson du foot français. Alors que Pancrate, lui, qui jouait côté droit au PSG, est plutôt Guy Georges, hein, puisque c'est le tueur de l'Est parisien. Et Titi Camara à Saint-Etienne, lui, c'était Thierry Paulin. Parce que oui, parce qu'à Saint-Etienne, il tuait que des vieux. Hein. Il n'y a que des vieux dans les tribunes à Saint-Etienne. Hein. Il n'y a plus un mec qui est jeune et qui supporter des Verts. Oui, c'est franchement, quand les mecs ils chantent qui c'est les plus forts, évidemment, c'est les Verts. Tu crois qu'ils pensent à qui? À Sanogo, Lilian Compan et Nicolas Marin? Bah non. Non, les mecs ils chantent encore pour Rocheteau et Larquet en 2012. T'imagines? Bon, tu me diras, Jeannot Essayer aussi, il chante pour Larquet en 2012. Mais bon, lui, c'est un autre délire, hein, c'est un truc perso. Et est-ce que j'ai encore le temps de parler de Zlatan encore? Zlatan qui a dit aussi que les gens, ils veulent que Paris échoue. Et ça, il hallucine, il comprend pas, il dit, ouais, les gens, ils veulent que Paris échoue. Non, mais c'est vrai, mais pourquoi les gens, ils aiment pas Paris? Mais c'est incroyable, ça, franchement. Mais qu'est-ce qu'ils ont, hein? Bon, c'est vrai, qu'est-ce qu'il y a à Paris? Bon, Paris, quoi, ils ont toutes les télés, les médias nationaux, les journaux, les radios, les ministères, les plus grandes écoles, les plus grands théâtres, les opéras, le Stade de France, le Parc des Princes, les clubs de foot milliardaires qui pourraient rivaliser avec les plus grands financièrement, qui met à l'amende de Milan AC, Manchester, ils ont Thiago Silva, Ibrahimovic, Motta, Blavezzi, Pastore, Ancelotti. Mais à part ça, ils ont quoi, Paris? Ils ont rien. Moi, je comprends pas pourquoi on le déteste. Moi, je comprends pas. C'est le mec, là, qui vit dans un patelin de 30 000 habitants, qui a qu'une seule salle de ciné, qui est obligé d'aller voir Intouchable, même s'il déteste, il est handicapé parce que c'est le seul film à l'affiche depuis le mois d'avril, qui peut pas faire ses courses le week-end parce que tous les commerçants sont fermés jusqu'à lundi 15h. Du coup, il est obligé d'aller chez Cora, à la ZAC, à 20 km, avec sa grosse et ses mioches, qui chiale parce qu'il voulait voir Dragon Ball Z sur Gulli, alors que lui, il voulait juste mater Pénard, son équipe sur Bein Sport, qui lui a coûté 1€, alors que lui, évidemment, le dimanche à 14h, parce que sur Canal+, ils en veulent pas son équipe pourrie. Encore, quand il va au stade, c'est quand sa belle doge a bien voulu garder ses chiards, vu qu'elle habite avec eux depuis que la restructuration budgétaire régionale a obligé les hôpitaux à fermer dans le bled et qu'il faut l'avoir pas trop loin parce qu'elle peut avoir un pépin physique, hein. Et lui, quand il va au stade par miracle, la star dont il attend des miracles, il s'appelle quoi? Il s'appelle Kevin Berrigo, Sébastien Grax ou David Gigliotti, hein. Et lui, il est pas Paris, lui. Il a un problème avec le Paris Saint-Germain. C'est vraiment incroyable. C'est dingue, ça. Mais c'est de l'anti-parisianisme primaire. C'est du racisme. Moi, je vais appeler SOS Racisme, les enfants de Don Quichotte, la SPA. Mais c'est dégueulasse. Et je vais te dire, il y a pire. Moi, je suis allé au parc, là, vendredi. Et ben, les supporters du PSC, ils étaient contre Paris. C'est dégueulasse. C'est de l'anti-parisianisme. Même les joueurs de TFC, ils empêchaient les joueurs de marquer. Les mecs, ils voulaient marquer un but, ils les empêchaient. Heureusement qu'il y avait l'arbitre pour pas s'y faire les hors-jeux, parce que sinon il y aurait eu 0-0. C'est vrai. Donc j'ai envie de dire stop au racisme et arrêtons de détester ces gens qui n'ont rien fait. Voilà, merci pour eux.